les échangeurs d'air avec vous jusqu'à 22h. Michel Marcoux au microphone et Jean-Philippe Bobrien fait tout le reste sauf être au microphone. Voilà, c'est la meilleure façon de définir ce qu'on fait. Aujourd'hui, une émission où est-ce qu'il y a des trucs jazz, mais pas nécessairement. Des trucs sur l'auto. Oui, ça, il y en a plusieurs. Puis ensuite, du rock indie et des trucs comme ça. Et si on veut tout entendre, on y va maintenant.

puzzle power. Beechwood serenade. Sunshine and sugar. Golden windows. Taste of believing. Carnival girl. Love walks away. Wishing well. Knew you could. A face like that. Dark highway. Shaken Venus. Colored wheels. Visit me quick. Lonesome money. School of heartache. Painted smiles. The sound of business being done. Go and sit upon the grass, and I shall come and sit beside you. Go and sit up on the grass, and I shall come and sit beside you. Do not mind if I thump you when I'm talking to you. I've something important to say. Something important to say. Go and sit upon the grass, and I shall come and sit beside you. When I'm gone, you can feel the lumps upon your head. Think about what I said. Thank you. ça commençait comme ça, les échangeurs, oui. Musique d'ameublement 3, carrelage phonique, c'était l'ensemble Ars Nova avec, dirigé par Marius Constant, qui nous faisait sur un album qui s'appelle Satie Entracte, musique d'ameublement. Donc cette pièce destinée à meubler. Eric Satie parlait de papier peint musical. À peu près. Alors, ça sert à couvrir les bruits de la vie quotidienne sans toutefois les dominer. Carla Bley nous faisait valse sinistre sur sur Social Studies de 1981. Carla Bley, bon, pianiste fort importante, qui a été accompagnée sur cet album, on l'entendait d'ailleurs, par un type qui s'appelle Gary Valente, qui est vraiment absolument excellent, tromboniste de très très grand talent. Puis Carla Bley, qui est encore là, continue à faire des trucs, 83 ans, elle joue toujours du piano, toujours prête à s'améliorer, je pense. David Byrne nous faisait The Sound of Business sur Music for the Knee Plays. David Byrne, facile à présenter, il a fait beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses de toutes sortes, entre autres des Talking Heads, évidemment, ses collaborations avec Brian Eno, qu'on met régulièrement, My Life in the Bush of Ghosts, qui est un de nos disques préférés de tous les temps. Là, je sais que je ne pourrais pas le prononcer comme il faut, Max Anurzowski. Hot, c'est ça, sur Hot and Guest, Play the Music of Robert Wyatt de 2019. La pièce s'appelle Grass. Eux ont décidé de rendre hommage à Robert Wyatt, mais pour cette pièce-là, c'est une pièce que Robert Wyatt avait lui-même repris de Ivor Cotler, qui est un autre habitué de l'émission. Alors Robert Wyatt, évidemment, Soft Machine et Matching Mole, et énormément d'autres choses par la suite. Et on a terminé avec Obo Combo, qui nous faisait Why Spend the Dark Night with You. C'est une pièce de Moondog, et c'est sur Moondog's 99 Step Sequence de 2016. C'est un trio italien qui s'amuse à reprendre des pièces de Moondog et à faire des compositions dans le style de Moondog. Et parfois aussi, ils s'évadent vers du Robert Wyatt, eux aussi. C'est des gens qui reviennent régulièrement aussi à l'émission. Et ensuite, on s'en va vers la musique pour automobile. Voilà. Oh. piano. Debo parecerme a ella y así me pareceré a Jesús. De toute la Haute France, Dora. Celle que je préfère, c'est celle que je veux. En auto ou en autostop. Vers les rivages du Midi. National 7. Il faut la prendre près de la Garonne à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fait recette. Pour tes vacances, qui traverse la Bourgogne et la Provence. Qui fait Paris un petit faubourg Valence. Et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été, remplis mon cœur de lucidité. Chasse les aigreurs et les hostilités. Tu fondes-moi leur identité. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour et la joie qui fait risette. On est heureux, National 7. National 7. Il faut la prendre près de la Garonne à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fait recette. Pour tes vacances, qui traverse la plus belle partie de la France. Qui fait Paris un petit faubourg Valence. Et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été, remplis mon cœur de sa lucidité. Chasse les erreurs et les hostilités. Tout prend malheur et quantité. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour et la joie qui fait risette. On est heureux, National 7. Le ciel d'été, remplis mon cœur de sa lucidité. Chasse les erreurs et les hostilités. Tout prend malheur et quantité. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour et la joie qui fait risette. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. Celui-là, je vais me le faire. Depuis le temps que je roule derrière. Avec sa vieille Fiat pourrie. Je vais lui montrer qui je suis. Ça y est, je vais la voir, je m'en vais les faire voir. Je suis à côté, je vais le doubler. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ouf! Et lui avec sa tonus. Je vais lui chatouiller le pare-choc. Il ferait mieux de conduire un bus. Ça va lui faire comme un choc. Portière à portière, de quoi il a l'air. Un petit bras d'honneur, ça c'est mon bonheur. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. C'est moi le roi de la route. Je m'amuse à 200 à l'heure. Je peux faire Paris-Beyrouth en une demi-heure. C'est moi le roi de la route. Et si les vents font peur, je me faufile sans un doute. Sans aucune frayeur. Après un petit gueuleton, ça fait du bien de rouler. Bonjour la gueule du ballon. Si les flics me font souffler, ça leur Beaujolais, c'est comme du filet. Mal à digérer, j'ai envie de gerber. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. C'est moi le roi de la route. Je m'amuse à 200 à l'heure. Je peux faire Paris-Beyrouth en une demi-heure. C'est moi le roi de la route. Même si les vents font peur, je me faufile sans un doute. Et ça ne fait plus frayeur. Hé papa, pourquoi tu roules si vite papa? Arrête-toi, je suis malade, j'ai du vomi plein ma poupée.

Et quand on a trouvé une place, alors chacun descend. Pas que sa glace, comme on est bien dans la nature, quand on est assis en voiture. En voiture, en voiture. Il y a bien des gens qui disent à notre sujet des bêtises, que nous sommes tous des cul-de-chattes, des hommes trop rangés en boîte. Mais nous avons encore, encore des pieds pour débrayer et pour freiner. On est mieux dans nos véhicules qu'un cosmonaute dans sa capsule. En voiture, en voiture. C'est notre résidence secondaire, c'est notre deuxième tanière, c'est la maison pour le transport, avec chauffage et transistor. Quand le tigre est dans le moteur, après le sans souci à l'heure. Adieu wawa, adieu voiture, c'est la plus chouette des sépultures. En voiture, en voiture, en voiture. Encore une autre automobile, une automobile, toujours une autre automobile. Des automobiles, des automobiles, des automobiles partout. Une automobile, encore une autre automobile, une automobile, toujours une autre automobile. Des automobiles, des automobiles, des automobiles partout. Regarde, regarde, regarde, regarde, regarde la fille sur le vélo. Comme elle fait bien du vélo, comme elle se tient bien le dos. Sommes-nous rue de Rivoli, ou sommes-nous au paradis? Non! Une automobile, encore une autre automobile. Une automobile, toujours une autre automobile. Non. Des automobiles, des automobiles. Non. Des automobiles partout. Une automobile, encore une autre automobile. Une automobile, toujours une autre automobile. Des automobiles, des automobiles. Des automobiles partout. Regarde. Quoi? Regarde. Hein? Regarde. Là? Regarde. Quoi? Regarde la fille au vélo. Elle s'approche de notre auto, comme elle se tient bien le dos. Elle me demande où on peut louer une autolibe dans le quartier. Non! Une automobile, encore une autre automobile. Une automobile, toujours une autre automobile. Non. Des automobiles, non. Des automobiles, non. Des automobiles partout. Une automobile, encore une autre automobile. Une automobile, toujours une autre automobile. Des automobiles, des automobiles, des automobiles partout. Partout, partout, partout. Je ne comprends pas. On est tous là, chacun dans sa bagnole. Le nez dans le cul du connard devant. Le nez dans le trou de son pot d'échappement. Et ça c'est pas possible. Pas possible. On est tous là, chacun dans sa bagnole. Mais qu'est-ce que je donnerais pas pour avoir un fusil. On est trop nombreux de là, tous nos ennuis. Et ça c'est pas possible. Pas possible. On est tous là, 4000 dans la gare, 400 sur le quai et 40 pour monter. Et 4, 4 pour s'asseoir, ça c'est pas possible. Pas possible. On est tous là, 400 sur le quai, tu pues, vous puez, je pue, nous puons. Nous pouvons rien du tout. Quoi ça? Et ça c'est pas possible. Pas possible. Alors le nerf se brise, le cœur se brise. D'abord, je vous emmerde. Et ça, c'est le premier truc. Je sais, vous m'emmerdez pareil. Et ça, c'est le deuxième truc. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, elle pourrait m'aimer. Jeanne, Lucie, Clotilde ou Muriel. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'y aller? Et ça c'est pas possible. Pas possible. C'est pas compliqué, c'est pas ma faute. C'est le temps, c'est la vie, c'est les autres. C'est l'argent, c'est ma vie, c'est trop tard. Attends, je voudrais te parler. Et ça c'est pas possible. Pas possible, non. Pas possible. C'est pas possible. Pas possible, non. Pas possible. Pas possible. Pas possible, c'est pas possible. Pas possible. Pas possible. Pas possible. Non. Ça c'est pas possible. Pas possible. Non. Pas possible. Pas possible. Pas possible. Pas possible. Pas possible. Oh, pas. Pas possible, pas possible, pas possible, c'est pas possible, pas possible, pas possible, c'est pas possible. Ça y est, c'est mort. Quand je me suis tué, je me suis dit, on va peut-être te foutre la paix. Les problèmes, les chagrins, tout ça c'est fini. Là où je vais, c'est bien plus gai, mais même ça c'est. Pas possible. Mais même dans ma caisse en bois, je vous entends faire du bruit autour de moi, parlant toujours des mêmes choses, prenant toujours les mêmes pauses. Alors mon nerf se brise, me vient une idée. D'abord, je vous emmène. Et ça, ça. Le premier truc, je sais, mon père pareil, pareil. Et ça, ça, c'est le deuxième truc, c'est le deuxième truc. Ça c'est pas possible, pas possible, pas possible, pas possible. Ça c'est pas possible, pas possible, pas possible, pas possible, pas possible. Ah ouais, ben pendant que Ray Cathode nous fait Waltz in Orbit, pour ceux qui connaissent pas Ray Cathode, hein, est-ce qu'on le connaît? George Martin, oui, voilà, qui faisait de la musique sous ce nom-là, Ray Cathode, à une certaine époque. Senior Coconut et su Contour nous faisaient Autobahn sur Cumbia Merengue, pardon, sur un album qui s'appelle El Baile Alemán. C'est Uwe Schmidt qui s'appelle Senior Coconut, Eric Satin, Atom Heart, Atom, Lisa Carbone. Il change de nom comme ça, puis il est installé à Santiago du Chili, et il refait du cha-cha-cha, du rumba, merengue, toutes sortes de trucs en reprenant des trucs de, dans ce cas-ci c'était Kraftwerk, Autobahn. Il reprend parfois du Daft Punk, ou quoi, ce qui lui tente. Stéréo Total nous faisait National 7 sur Musique Automatique de 2001, Stéréo Total avec François Cactus et Brezel était bien reprise parfois. Et lorsqu'on parle, est-ce qu'ils sont actifs depuis quand? Ils sont encore actifs, Stéréo Total, depuis 93. Voilà. Et ensuite, nous sommes passés au VRP. Oui, les rois de la route sur Remords et Triste Peine. De 1989, les VRP et les non-tropos, on peut presque confondre les deux par moment. Il y a des gens qui les comparaient aux frères Jacques, mais sous acide. Par exemple, puis j'aurais bien aimé les voir en spectacle, et quand même, avec leur déguisement et tout ça. Puis ils ont repris aussi toutes sortes de trucs, mais ont fait des tournées avec Mano Negra, les Wampas, les Satellites. Une carrière quand même bien remplie. Du jazz dans le ravin, de Serge Gainsbourg, du chant à la une de 1958. Évidemment, Gainsbourg, presque trop célèbre pour qu'on en parle. Alors, seulement dire qu'il est né Lucien Gainsbourg, qui est mort à Paris en 91. Puis il était né quand? En 1928, oui. Alors, il est mort à 62 ans, probablement de sobriété. de sobriété volontaire, voilà. La voiture, c'était les quatre barbus tirés des quatre barbus de 1967. Eux ont commencé leur carrière quand même il y a longtemps. Ça s'est terminé en 69. Ça a commencé à la fin des années 30, en 1938, en fait. Est-ce que leur barbe était vraie? Peut-être que pas. Peut-être pas, on ne sait pas. Il y avait Jacques Tritsch qui était la basse, Marcel Quinton le baryton, Pierre Jamais le ténor et Georges Thibault le contre-ténor. Ils sont tous décédés aujourd'hui. Ce sont des gens qui étaient quand même nés la plupart vraiment au début du siècle, quand même vraiment dans les années 20. Puis c'était pratiquement basé sur le scoutisme au départ. Ils voulaient animer les soirées de jeunes, les journées de jeunes. Voilà. Et ensuite nous sommes passés à Wendy Mae Chambers qui nous faisait New York, New York avec des klaxons. Voilà, sur une compilation qui s'appelle Gravy Chords, Whirlies and Pyrophones de 1996. Elle a fait beaucoup de trucs quand même. Alors, elle a fait des trucs pour Real Music for Nine Cars, Street Music avec 30 musiciens, des trucs avec des vacuums, des aspirateurs, des télévisions, etc. etc. Et dont un truc pour trois fanfares avec sirène et fusil. Par exemple, beaucoup de trucs abusants chez elle. Comme chez Catherine qui nous faisait Automobile, tiré de l'album Le Film de 2016. Philippe Catherine qui arrive à se renouveler constamment, on le reconnaît toujours par contre, qu'on voit de plus en plus au cinéma aussi, depuis peut-être, je sais pas s'il avait fait autre chose avant, mais il jouait, faisait Boris Vian dans un truc qui Gainsbourg, Vie héroïque, comme ça, puis il a continué, il me semble qu'il a fait un truc récemment. Où est-ce qu'ils font ils font de la nage synchronisée? Mais je ne l'ai pas vu encore, mais j'ai bien hâte de le voir faire de la nage synchronisée. Et nous avons terminé avec le groupe Escaton, les deux trucs sur l'album Fiction de 1983. Je vous emmerde, et ça c'est le premier truc. Je sais, vous m'emmerdez pareil, et ça c'est le deuxième truc. C'est un groupe qui a connu quelques époques, de 70 à 95, Ensuite, ils ont été pratiquement inactifs de 94 à... En fait, 94-95, c'est pas très clair. 70 à 85. Ensuite, de 94-95, ils existaient presque. Ils sont revenus 2003-2005 et depuis 2011, ils existent à nouveau, mais avec, semble-t-il, une formation qui est assez puissante aussi. Ben, peut-être qu'un jour, on vous en mettra si vous êtes sage. Puis si Jean-Philippe achète le disque. Oui, parce qu'il faut que Jean-Philippe achète le disque. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir pour terminer? Du Deer Hunter, Death and Vanilla, Jolly's Haircut, Moon Duo, etc. Oh, Stop me. Patriotic mountain love. Oui, mais c'est ainsi que ça se termine pour les échangeurs d'air. Nous avons un blog qui est échangeur.blogspot.com et vous pouvez voir la feuille de route et tout. Pour terminer, nous avons eu Tarnung, une pièce de Deer Hunter sur Why Hasn't Everything Already Disappeared, un groupe d'Atlanta, et ça date de 2019. Let's Never Leave Here, c'était Death and Vanilla sur l'album Are You a Dreamer. C'est un groupe qui vient de Malmö en Suède et nous sommes passés à l'Émilie-Romagne en Italie avec Julie's Haircut qui nous faisait Darlings of the Sun sur un album aussi de 2019, In the Silence Electric. Et nous avons continué avec Moon Duo qui nous faisait Fever Night sur Stars Are the Light, un album qui est paru en 2019. Lui aussi, c'était tout de 2019. Eux, ce sont des gens de San Francisco. Puis Jean-Philippe me dit qu'ils se droguent plus. Voilà. Alors, si vous ne saviez pas qu'ils se droguaient, là, ils se droguent plus. Alors, votre information sera toujours dépassée. Et nous avons terminé avec la Fat White Family qui nous faisait When I Leave sur l'album Surf's Up de 2019. Un groupe qui vient de Peckham. Ah, c'est lui qui se droguait, me dit Jean-Philippe. C'est pas l'autre, c'était pas... Alors, je m'excuse auprès de Moon Duo. C'est ça, pour avoir présumé qu'il faisait peut-être la drogue. Et tout ça se termine ici. Il y a Alex qui est là à vous pour vous faire l'agression par le son. À la semaine prochaine.